Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères Demi Moore, Roger Moore ou Michael Moore? Ah, ouh, entre les trois. Ouais. Michael Moore. Après, on sait que tu préfères Tom Cruise. Ouais. I feel the need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode numéro 14, si je me trompe oui, pas. Oui, 14. Ouais, c'est ça ? Ouais, je crois. Et comme d'habitude, on fait les films de Tom Cruise un par un pour essayer de comprendre le mythe Tom Cruise, la légende, l'homme. L'homme derrière le masque. La dernière star d'Hollywood. Voilà, ça c'est bien. Aujourd'hui, du coup, on va vous parler de A Few Good Men, en français des hommes d'honneur, un film de Rob Reiner. Yes. Où Tom Cruise joue le rôle du lieutenant junior Daniel Caffey. C'est un film qui est sorti en 1992, évidemment. Ouais. Alors, petite question habituelle, Serena. Est-ce que tu avais déjà vu ce film ? Eh bien non ! Allez, tout va bien, l'honneur est sauf. J'en ai vu la dernière fois. Ouais, c'est pour ça. Mais non, pas vu. J'avais très envie de le voir. Très envie ? Ouais, j'avais envie. Parce qu'on s'était dit, ah enfin, les années 90, ça va être trop bien. Des costumes militaires blancs, ouais. C'est un peu excitant. Ouais, je pourquoi pas ? Et toi ? Moi, je ne l'avais pas vu, j'avais juste entendu parler de ce qui est connu, la scène du procès à la fin, qui est a priori culte. Et du coup, après, moi, j'aime bien, moi, je suis très client des films d'enquête et de tribunal. D'avocat. Du coup, j'étais content, je me suis dit, tout va bien. Donc après, pour notre avis, on verra plus tard. On verra plus tard. Voilà, sur ces entrefaits, j'aime bien dire entrefaits, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Petit résumé du film. On va essayer de faire petit vite fait, bien fait. C'est pas compliqué, hein. quand même. On commence le film à la base militaire de Guantanamo Bay. Pam, pam, pam. Il n'est pas une plage. trop classe, quoi. C'est il y a un beau coucher de soleil. Il y a une vieille musique au synthé. On voit deux gars qui se faufilent dans une maison. Ils rentrent dans une chambre. Ils prennent un gars. Ils lui mettent du scotch autour de la bouche. Lui, il ligote les mains et cut. Qu'est-ce qui se passe? Quatre. Drapeau américain, majorette, militaire, qui font la fanfare, une espèce de... C'est un défilé. Un défilé, voilà. Qui font des trucs, des tricks avec leurs fusils. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Comme des majorettes. Rifle drill, je crois, ça s'appelle. Je me suis renseigné. C'est un exercice de flingue synchronisée. Je sais pas comment ça c'est se marrant. Dit, peut-être pas. Mais ouais, en gros, après, c'est assez impressionnant. C'est super beau. C'est assez indescriptible. Mais c'est très beau. On dirait des majorettes avec des fusils. Avec des fusils, voilà. Demi Moore qui apparaît à l'écran, qui essaye... on est à Washington. Donc, on est au commissaire du gouvernement de Washington. Je n'ai pas trop compris qu'est-ce que c'est ce truc, mais à Washington. Demi Moore, elle va à un rendez-vous avec ses chefs. Elle est un officier. Lieutenant-commandeur. Lieutenant. Joe Galloway. Joanne Galloway. Dites Joe. Et en fait, elle arrive, elle explique qu'il y a Dawson et Downey, qui sont deux militaires exemplaires qui ont tué un troisième militaire. Donc, les deux du début qu'on voit, les troisièmes militaires, il s'appelle Santiago, il a été tué. Oui, c'est la victime. C'est la victime. Et elle dit, Santiago, il n'était pas un bon marine. Ils étaient à Cuba, donc à la limite... À la frontière. À Guantanamo, quoi, dans la base de Guantanamo. De Guantanamo. Et du coup, elle dit peut-être, puisque Santiago c'était un boulet et les deux autres c'était des militaires exemplaires, peut-être c'est un code red. Ah, le fameux code red dont on va entendre parler tout le long. On ne sait pas. Elle est avocate et elle demande de pouvoir défendre Dawson et Downey parce que, selon elle, ils sont pas. Oui, ils ne méritent pas. Elle veut dévoiler le complot et elle veut que ce soit elle qui fasse la défense. Son chef, il lui dit « Oui, laisse-nous réfléchir deux secondes. » T'inquiète, on a déjà le truc. T'embête pas. Vas-y, dégage. Ouais. Non, on va prendre quelqu'un qui sera à la hauteur. Cut. Si on prenait quelqu'un, genre une icône des années 90, quelqu'un de, un homme déjà, très beau, tu vois, qui est charismatique. Je sais pas du coup, qui on pourrait caster pour ça? Fais-moi réfléchir. Ouais, on va réfléchir un peu. On est dans un champ de baseball. Il y a Tom Cruise avec une batte. Il est en train de faire, de jouer. Oui, j'ai fait des loups, je sais pas ce qu'il fait. Et il parle en même temps avec un gars qu'on comprend être un avocat. Et il est en train de faire une entente avec l'autre avocat, parce que Tom Cruise, il ne va jamais au tribunal, il fait toujours des ententes en avance. Donc, il gagne un peu, il décide de la peine en extérieur du tribunal. Voilà, il ne va jamais jusqu'au procès, en fait, il dit le tout avant pour éviter de... Et là, il gagne ce qu'il veut, et on comprend, il est hyper arrogant, il arrive en retard au rendez-vous, parce que lui aussi, il est gradué, il n'est pas lieutenant. Mais genre, il est lieutenant, mais pas... Après, il y a des grades, ça a l'air merdique, les grades dans la Navy. Oui, c'est tout, c'est dans la Navy, donc c'est les avocats de la Navy, les juges de la Navy, c'est tout ça un peu merdique. Il est avocat, il arrive en retard au rendez-vous, il comprend qu'on lui a, et son chef il lui dit « on t'a signé un nouveau cas, Dawson et Downey qui ont tué Santiago. » Santiago. C'est le rendez-vous qu'il a avec Galloway. Voilà, donc il va au rendez-vous avec Demi Moore, Joanne Galloway. Et il est hyper arrogant, il arrive avec une pomme. Il écoute rien, il s'en fout. Ah d'ailleurs, il n'est pas tout seul, parce que lui, il est le premier avocat, et le deuxième avocat, c'est Sam... comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment. Weinberg. Sam Weinberg. Weinberg. Qui est un peu le premier de la classe, très bon élève, qui s'occupera de tout la paperasse, quoi. Les recherches et tout ça. Donc, ils se retrouvent tous les deux avec Demi Moore. Demi Moore, il dit vous vous occupez de ces cas-là, quoi. Mais il faut le prendre au sérieux parce que c'est peut-être un code red. Ouais, mais qu'est-ce que c'est, ce truc ? Ça, c'est vraiment le truc trop excitant, c'est le code red. Non, c'est pas du tout. Oups. Et donc, Kat. On est dans le passé. Non, parce qu'elle dit Santiago, il a demandé d'être transféré. Ah oui, c'est ça. Elle, pour elle, ce qui est louche, c'est ça. C'est qu'il a demandé à être transféré. C'est qui est dangereux. C'est qui est dangereux. Il dit Santiago, dans le passé, il a demandé à être transféré. Il a écrit des lettres à tout le monde. Et à un moment, parce qu'il était maltraité, et à un moment, pour se faire entendre, il a dit qu'il était prêt à faire les mouchards, comme on le nomme. Donc à dire, parce qu'il y a eu un tir illégal à la frontière. Et il devait pas être censé tirer. Il y a un gars qui a tiré. C'était en effet Dawson. Et donc, il menace et il dit à tout le monde, transférez-moi, je vous en dirai plus de ce tir illégal. Donc, il y a un motif, comment on dit ? Oui, un motif. De tuerie. Oui, de tuerie. Donc, on s'est dit, Dawson, il a peut-être tué Santiago pour qu'il ne parte pas. Ça, c'est la version simple. Ça, c'est la version simple. Mais Joanne, elle y croit pas. Et non. Dun, dun, dun. Parce que Joanne croit au complot. On se retrouve dans les passés. On se retrouve avec Colonel Jessup, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Kendrick. Kiefer Sutherland. Et Markinson, un autre comédien que je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est un bon comédien en plus. Je l'ai écrit en plus. Tu l'as écrit ? Il s'appelle J.T. Walsh. J.T. Walsh. Et donc... ils sont tous les trois dans les bureaux de Jack Nicholson, qu'on comprend, c'est les grands chefs de Guantanamo Bay. Il a sur ses mains le truc de Santiago, les lettres de Santiago qui demandent à être transférées, qui dit qu'il veut faire les mouchards. Et Jack Nicholson dit non, il ne sera jamais transféré, ça ne va pas du tout, c'est la merde. Et on ne fait pas comme ça ici, parce que nous, on est de vrais Marines, parce qu'ils sont tous fanatiques un peu, là-bas. Ouais. Markinson, donc le plus vieux. Et il dit non, mais on devrait les transférer quand même. Ouais. Non, toi, tu fermes ta gueule parce que toi, tu veux rien. Et il y a les jeunes. Tu fais vachement bien, c'est bluffant. C'est bluffant. Et il y a Kiefer Sutherland, du coup, le jeune des marines. Et Jack Nicholson, il dit tu t'en occupes. Ouais. Sous-entendu. Code red. Point d'interrogation. 4. On se retrouve. Et on revient dans le présent. On revient dans les présents. Tom Cruise, il a rendez-vous avec Dawson et Downey, les deux accusés. et leur demande si qu'est-ce qu'ils ont fait, oui, pourquoi ils ont fait ça et tout ça. Eux, ils répondent pas beaucoup. Ils sont très dans les trucs militaires. Oui, ils disent qu'eux, ils ont respecté les codes, que c'est honneur, code, corps, c'est les ordres, loyauté, c'est quoi. Qu'ils ont suivi les ordres. Mais ils balancent rien. Ils balancent personne. Ils disent juste, nous, on a fait ce qu'il fallait qu'on fasse, ce qu'on nous a demandé de faire, machin, machin. Voilà. 4. Kevin. Voilà, c'était une scène où il n'y avait pas de code red, on est désolé. Hein, c'est un peu... Si, non, il explique après. Il ne parle pas encore de code. Non, non, non, il explique pas encore. Non, normalement, c'est toutes les deux phrases, il y a code red. Hein. Ouais, c'est vrai. On voit Kevin Bacon, l'avocat, du coup, qui accuse Dawson et Downey, donc oui, l'ennemi de Tom Cruise dans cette histoire, les procureurs, qui s'occupent des affaires de l'État. Donc, tout à fait. Et qui va voir Tom Cruise, qui essaye de chercher une entente à l'extérieur du tribunal. Oui, donc lui dit, on pourrait donner 20 ans à Dawson et Downey et il sortirait au bout de 10 ans. Mm-hmm. Et Tom Cruise dit, non, donnons-leur 12 ans et il sortirait au bout de 6. Et Kevin Bacon dit, ok, d'accord. Okay, c'est cool. Bon, allez, on se revoit, on va se faire un match de basket. Et, voilà, et rappelle-toi, on a dit ça, blablabla, ciao, ciao. Et Tom Cruise, Daniel Caffey, lui, c'est comme ça qu'il résout tous ces trucs. Ouais. Comme ça. Après, c'est, en gros, il boit un coup, il serre une main et c'est fini. Et c'est après, fini. Il peut retourner faire ses matchs de baseball. Et donc, il se questionne quand même. Il dit, mais quand même, je l'ai eu un peu trop simple. Voilà, je l'ai eu facilement. Il en parle avec son ami Sam. Oui. Et il lui dit, je l'ai eu quand même un peu trop simple. C'est louche. Il y a peut-être un code. Non, il y a... non, pas encore. Il a rendez-vous pour aller à Cuba avec Demi Moore pour voir Jack Nicholson, Colonel Jessup et tout, et de poser des questions. Donc, il va là-bas. Il va dans la chambre de Santiago pour voir ses affaires. Il va avec le colonel Jessup et on comprend que colonel Jessup, c'est un blaireau. En tout cas, ben, connard. C'est un colonel très... Un colonel. Très, ouais, un colonel. Donc, le colonel dit, non, mais nous, on fera tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais c'est vrai que Santiago voulait être transféré. Et Jack Nicholson dit, ben oui, bien sûr, nous, on avait signé pour qu'il parte. 5 heures avant qu'il soit buté. Oui, c'est ça. Trop dommage. Il devait prendre les premiers avions à 6 heures. Il fait même une blague, genre à 5 heures près, ça se passait. Enfin, et ouais, ça ne serait pas passé comme ça. Vicieux. Donc, Tom Cruise dit, d'accord, ok, mais je voudrais bien voir la feuille de réaffectation. Et là, Jack Nicholson, il se met en colère. Tu me demandes gentiment, parce que ici, moi, je risque ma vie tous les jours pour vous, machin, truc, blablabla. Il dit, ok, d'accord, je vous l'envoie, et pas de soucis. Il revient à Washington. Et on découvre que... Quand l'entretien avec Nicholson, enfin avec le colonel Jessup, et donc Tom Cruise, il demande son truc, et après il dit, c'est bon, je vais partir. Sauf qu'il y a Galloway qui essaye de recuisiner le colonel. Vrai. Et là, le rapport de force, il est compliqué. Ce que refusait, du coup, Tom Cruise, il refusait de rentrer dans le jeu. Là, en fait, elle la plonge direct dedans, et ça crée une ambiance un peu où tu te dis, bon, ça va peut-être pas bien se passer. Un peu, ça dit, c'est vrai qu'ici, vous utilisez le code RED. Jack Nicholson, officiellement, je dis que non, mais officieusement, je dis que oui. Et de toute façon, toi, t'es qu'une femme, et tu ne vaux rien, et ça me fait, c'est trop bien de se faire faire une pipe par une femme officier. Voilà. Super. Merci. Merci, Jessup. Merci, merci, monsieur Nicholson. On revient. On découvre que Markinson. Attends. Ah, pardon. Markinson, il a disparu. Pouf. C'est lui qui était dans la pièce avec Jessup dans le passé, là. Ben là, il n'est plus là. Il a disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bizarre. Étrange. Dawson et Downey, les deux accusés. Dawson, c'est un peu le chef, et Downey, c'est un peu celui qui le suit tout le temps. On comprend un peu comme ça. On comprend que l'équilibre entre les deux, c'est ça. Demi Moore dit à Tom Cruise que Downey, maintenant, il veut un nouveau avocat, et c'est elle. Elle ne peut plus être exclue. Oui, parce qu'il y avait tante Ginny qui demande. Oui, il y avait la tante de Downey qui est devenue amie avec Demi, voilà. Et du coup, voilà. Qui permet de faire une blague sexiste à un moment. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Donc, ils vont refaire un rendez-vous avec Dawson et Downey. Et Dawson et Downey racontent enfin que Kiefer, donc le jeune du trio du début, là, un peu méchant, en dessous des jeunes. Sergent Kendricks, oui. Sergent Kendricks, a dit à tout le monde Santiago a un mouchard, mais ne le touchez pas. Et après, a donné un rendez-vous privé avec Dawson et Downey dans leur chambre à 16h20. Ça semble un détail, mais c'est très important. Après, tout est comme ça un peu. Ouais, tous les détails sont très signifiés. Bon, je vous en passe. Mais il leur a dit code red, pour Santiago. Code Red, qu'est-ce que c'est? Ils l'expliquent un peu. Ils disent, en gros, quand tu fais des bourdes dans les Marines, tu es puni très, très, très, très durement. C'est un gros bizutage un peu très, très, très limite. Hein. Plus, plus. Oui. Et ces Code Red-là, il n'était pas censé tuer Santiago. Et non. Mais il l'a tué quand même, parce qu'ils lui ont mis un torchon dans la bouche et apparemment, ils disent qu'ils ont mis du poison et qu'il est mort empoisonné. Mais en tout cas, ça, il est mort. L'autopsie dit qu'il a été empoisonné. Voilà. Donc, voilà. Et donc, il explique qu'en effet, eux, ils suivaient juste les ordres. Bon, ça, il faut prendre avec beaucoup de pincettes, mais ils suivaient les ordres et ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas faire les Code Red à Santiago. Donc, ils ne sont pas coupables. Donc, Tom Cruise, il sort et il dit « Ok, d'accord, si c'est les Code Red. » Il voit Kevin Bacon, l'autre avocat. Il lui dit « Ok, c'est les Code Red. Je vais demander à la place de 12 ans, deux ans, et ils vont sortir au bout des 6 mois. » Kevin Bacon dit « Ok, oh, trop simple !» C'est trop facile encore. Trop simple. Donc, il va voir les deux autres et il dit « Bon, c'est bon, au bout des 6 mois, c'est bon, vous serez sortis, on a l'entente, c'est comme veut. » Et donc, on dit « Non, moi, je refuse parce que je ne suis pas coupable et parce que nous, on a un code et mon honneur et blablabla bla, bla, et je serai plus marine si je sors de là et blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Donc, Tom, il dit « Mais n'importe quoi, on n'a pas les preuves. Comment on peut dire qu'ils vous ont dit code red ?» Et là, on est passé de 12 ans à 6 mois. Quoi. Ouais, c'est énorme. Bien joué. Demi Moore arrive et dit « Non, mais ils ont raison, il ne faut pas casse-couille. Il faut dire non coupable. » Casse-couille, non coupable. Taf, hein, alors que Tom Cruise, lui, justement, il veut dire « C'est bon, on arrête. » Ouais, bon. Tom Cruise, il dit « Ok, d'accord. » Il va au tribunal et dit « Ok, on dit non coupable. » Et maintenant, c'est la merde, parce que Tom Cruise, il n'a jamais allé au tribunal. Et là, il doit tout défendre au tribunal. Il dit à Demi Moore et à Sam Weinberg. Plus on le Sam. En gros, préparez-vous, on va bosser comme des tarés. Rendez-vous chez moi si vous voulez manger autre chose que Choco Pops. Amenez de quoi bouffer, parce que chez moi, il n'y a rien. On voit un montage avec plein de scènes où il prépare les témoins, blablabla, blablabla, blablabla. Premier jour du tribunal, premier témoin de l'accusation, donc pas de Tom mais de l'autre, les médecins qui disent qu'il a été empoisonné et finalement Tom Cruise il arrive un peu à faire retourner la chose en disant peut-être il n'était pas si empoisonné que ça. En gros il lui fait dire qu'il avait un problème de condition physique, Santiago, et que du coup ce problème pourrait entraîner que si t'es bâillonné, etc. En gros qu'il met en doute le fait que ce soit du poison, ça peut aussi être juste simplement une maladie qui n'a pas été diagnostiquée. Diagnostiquée, bien. Donc ça met le doute. Ça met les doutes. Premier doute. Deuxième. Un point pour Tom Cruise. Bravo. Deuxième témoin, un des collègues de Dawson & Downey qui témoigne que effectivement, Kendrick a dit à tout le monde n'est pas touché, oui, de pas touché Santiago. Ouais. Bon, il en avait encore 250 et Tom Cruise dit on sait que Kendrick il a dit n'est pas touché Santiago, mais à 16h20 il y avait personne sauf nos deux accusés et il lui a dit les codes rouges. Ok, fin. Troisième jour, c'est la défense. Donc, premier témoin, c'est un jeune qui parle du code rouge en disant oui. « Bah, bien sûr que ça existe, les codes red. Moi, une fois, j'ai fait glisser mon fusil et on m'a foutu dans un tapis, enroulé, mis de la colle à la main et collé le fusil. Comme ça, je ne le ferai jamais plus retomber. » Sympa. C'est très drôle. Sympa l'ambiance. Et donc, voilà, point pour Tom Cruise. Et il est trop content. Il prend sa voiture, il part et bam, quelqu'un derrière lui. Bouh. C'est qui? C'est Mackinson qui dit en effet, Nicholson, il est en train de mentir. Il n'a pas fait la fête des réaffectations. Lui, il a disparu parce qu'il a trop peur, mais il a trop honte. Donc, il veut témoigner. C'est ça. Donc, il le met dans une planque avec des gens de l'FBI qui le contrôlent et tout pour témoigner contre Jessup, quoi. Oui. Nicholson, le grand ennemi. Donc, troisième témoin, on revient au tribunal, Kendrick, donc le grand méchant. Et là... Kendrick, c'est le petit méchant. Petit c'est méchant. Le grand moyen méchant, méchant, c'est Jessup. Moyen méchant. C'est le boss de moitié de niveau. Oui, Kendrick. C'est ça. Donc, Tom Cruise, il arrive quand même un peu à le cuisiner, disons. Oui, oui. Il arrive un peu à faire... Bon, c'est une scène très complexe. Regardez-la, mais en tout cas, c'est on voit la faiblesse. Il arrive à percer un peu la vérité, quoi. Oui. Tout en parlant du code rouge, dans un autre cas, machin truc, Dawson. Et en fait, à l'époque, il n'avait pas suivi les trucs du code rouge. Donc, ils avaient dit à un gamin de ne pas lui donner de la bouffe. Et Dawson, il allait donner de la bouffe. Et depuis là, il n'a plus de bonnes notes. Et Kendrick, il dit, ben, oui, bien sûr, il a désobéi à un ordre. Voilà. Donc, les codes rouges existent. Voilà. C'est ça. Entre-temps, Mark Eason s'est tué. C'est suicide. Putain. C'est pas pratique, c'est dommage. C'est trop nul. Et prochain témoin, Downey, donc un des deux, qui s'est fait interroger par l'accusation, donc le client de Demi Moore, s'est fait interroger par l'accusation, et en fait on découvre qu'il n'était pas dans la pièce à 16h20. C'est un mensonge. Il a menti. Donc c'est foutu, parce que lui, il n'était même pas quand ils ont donné les codes, les trucs du code rouge. C'est Dawson qui lui a dit, on m'a donné les trucs du code rouge, ça l'a fait mal. Lui, il dit que c'est Kendrick qui m'a dit, alors qu'en fait, c'est Dawson qui lui a dit. Directement. Donc ça fait que tu rajoutes un lien, donc ça ébranle un petit peu l'histoire du code. La merde. Et là, c'est la merde. Ouais. Et là, c'est la merde. Tom Cruise est déprimé, il boit des coups, il se prend la tête avec Demi Moore. il est trop triste. Demi Moore, il dit, mais non, mais c'est pas grave, j'ai fait une erreur, je sais, je suis nul, mais c'est pas grave. Appelons le colonel Jessup et tu lui fais avouer que c'est lui qui a donné l'ordre du code rouge. Et donc, mais jamais de la vie, comment je fais? T'es folle. Tu adieu. Fais vachement bien Demi Moore aussi. Hein. C'est je l'aime pas dans ces films. Bref, Sam il dit à Tom, quand même, toi t'es un super bon avocat, il faut que tu, ton père, ben, encore une fois les pères, était un super bon avocat, tout le monde a les mythes de lui, mais toi aussi t'es un super bon avocat, c'est pas important ce que je ferai moi, c'est pas important ce que ferait ton père, mais c'est important ce que tu fais toi. Donc, la réponse est dans ton cœur. Voilà. Lui, il a quand même peur d'appeler le colonel Jessup, pas tant pour faire une figure un peu stupide, du stupide, mais surtout parce que dans l'armée, lui, il risque la cour martiale lui-même pour avoir accusé un non gradué sans preuve. Ouais. Donc, s'il y arrive dans son micmac, il y arrive, mais s'il n'y arrivait pas, il n'est plus avocat, peut-être prison, etc. etc. Oui, parce qu'après, il a procès contre lui. Ouais, c'est ça. Donc, la loi n'est pas égale pour tout le monde. Mais bon. C'est marrant. Tiens, bizarre. S'énerve contre Demi, blablabla. Les lendemains, il décide, vas-y, je le fais. J'appelle colonel Jessup. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Sam, il lui a donné confiance à lui. Vas-y, j'y vais. Il trouve peut-être un truc, il ne sait pas. Bon, bref, plusieurs choses. Avec les histoires des horaires d'avion. D'avion, bon, tout un bordel. C'est pas grave, on se retrouve au jour du tribunal. Tant qu'on dernier jour. Contre dernier Jack jour. Nicholson. Et là, magnifique scène. Et finalement, le colonel Jessup. Tom Cruise arrive à le faire pousser au bout, tellement au bout, que le colonel Jessup avoue qu'il a donné en colère, tu vois, les codes rouges. Et du coup. Il est sous arrestation. Yeah! Les deux sont considérés non coupables. Yeah! Alors, mais, pas de tout. Ouais. Mais ils sont considérés non coupables de l'homicide. Oui. Mais ils perdent. Ils sont plus marines. C'est ça. Donc ils sont méga tristes. Ils disent mais non, mais nous, on avait suivi juste les ordres. Et l'autre, il dit bah, oui, vous avez quand même buté quelqu'un. Quoi. Après, il y en a un des deux qui dit qu'effectivement. Ouais, ils se sentent coupables. Il se sent quand même coupable parce qu'il dit notre objectif, c'est de protéger les plus faibles. Et Santiago, c'était un des plus faibles. On n'aurait pas dû faire ça. On n'a pas fait. Mais on a suivi les ordres. Voilà. Et petit truc final où un des deux fait les signes à Tom Cruise, genre les saluts officiels. Et genre l'honneur, et Tom lui dit tu peux avoir beaucoup d'honneur même si tu n'es pas un marine. Oh, c'est beau. Santé, et il jette santé. Un dernier regard sur la salle de tribunal, il touche à un bout de bois et il part. Et ça va. Fin du film. Bah bravo. Je sais pas combien ça a duré, mais. Bah, non, mais c'était pas évident, c'est pas évident un film de procès comme ça. Très très dur. Bon alors là on va faire un petit extrait. Ouh là là. On s'est lancé un défi, c'est une première, on va essayer de le doubler en direct. Ça risque d'être casse-gueule, donc on est désolé d'avance. Alors, pour expliquer, on est sur la scène finale, la confrontation entre Tom et colonel Jessup. Tom, c'est interprété par Poulain, et colonel Jessup, par moi. Et en fait, c'est vraiment la toute fin de la confrontation, il n'y a pas toute la scène, parce qu'elle est très longue. Très bon. C'est pour vous donner un peu l'ambiance. L'ambiance. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Il y a eu cette bavure. Vous avez trafiqué les documents et fait pression sur le médecin. Avez-vous ordonné le code rouge? Vous n'avez pas à répondre. Vous voulez des réponses? Je veux la réponse. Je veux la vérité. Vous ne pouvez pas l'encaisser, la vérité. Nous vivons dans un monde qui a des murs à garder. Qui va s'en charger? Vous, lieutenant Weinberg, j'ai des responsabilités qui vous sont insondables. Vous pleurez Santiago et vous maudissez les marines. Vous ignorez ce que je sais trop bien. Cette mort tragique a sauvé des vies. Et mon existence grotesque pour vous sauve des vies. Yeah, baby. Mais au tréfond de votre vie frileuse des tout petits bourgeois, vous me voulez sur ces murs. Vous avez besoin de moi sur ces murs. Notre devise, c'est honneur, code, loyalty. Pour nous, c'est une raison de vivre. Pour vous, ces mots finissent en gag. Je n'ai ni le temps ni le désir de m'expliquer à devant un homme qui jouit d'une liberté que moi je protège et qui critiquera ma façon de la protéger. J'aurais préféré un merci. Et qui, ou alors, prenez une arme et mettez-vous un sentinelle posté. Mais je n'ai rien à foutre que vous croyez avoir droit à des réponses. C'est vous l'ordre du code rouge? Et comment? Avez-vous ordonné le code rouge? Oui! Silence. Ah, c'est silence, stupeur. Tout le monde se regarde. Ça déglutit. Tommy, il croit pas qu'il a confessé quoi. What? Je suggère le renvoi du jury, conformément à l'article 39A. Le témoin a des droits. Adieu. Wow. Prison. Trop difficile, l'exercice. Je me suis trop mélangé. Bravo. Hein, avez... Oui, bravo. C'est bluffant. Ouais, je... Trop chaud. Enfin, bravo. Mais en tout cas, voilà, Tom Cruise versus il a réussi, Jack là. Nicholson. Ouais, là, il le met dans les cordes, vraiment. Il et oui, il l'agace, parce qu'en plus, il ne lui demande pas gentiment. Du coup, il savait déjà. Ça, bon, bref, il a toute manipulation. Depuis le début, ouais. Parce qu'il lui parle, il lui envoie pas du monsieur, mon colonel, etc. Ouais. Ah, alors maintenant, on arrive dans le sérieux. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Ah, alors, j'ai beaucoup de doutes sur ces films. Des doutes, carrément. Ouais, j'ai passé un moment, tu le regardes. Et, je veux dire, c'est pas pire, c'est un film. Mais je m'attendais quand même un peu plus. Je n'ai pas du tout aimé le personnage de Demi Moore. Ah, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est méga macho quand même. Oui. Et les personnages sont machos, mais bon, ça c'est acceptable parce que c'est l'histoire et parce que c'est des militaires, et ben voilà, ouais, c'est comme ça. Mais le film lui-même est vraiment très macho. Le personnage de Demi Moore, ça sert absolument à rien sauf pour lui. Elle donne des idées, mais qu'elles n'aboutissent pas du tout. Elle est une très mauvaise avocate, alors qu'elle serait censée avoir beaucoup d'expérience. C'est vraiment la merde, quoi. Et il y a Tom qui arrive à faire apporter au bout ses idées parce que lui, il est génialissime, mais elle, elle vaut rien, quoi. Ouais. J'ai trouvé ça horrible. J'ai une anecdote sur ça, si tu me sais, ça aurait pu être tellement pire. C'était un producteur qui a demandé au scénariste, il lui a demandé, qu'il ne comprenait pas si Demi Moore ne couche pas avec Tom Cruise dans le film, à quoi elle sert. Ah ouais. Putain. Il a dit pourquoi vous ne mettez pas un mec à la place, en fait, du coup. Et du coup, Aaron Sorkin, donc le scénariste, il a dit que c'était une de ses pires, des pires trucs qui lui soit arrivé en fait avec un producteur, du coup, d'avoir ce truc-là. Et il a quand même répondu, il a dit, mais tu sais que les femmes, elles ont d'autres objectifs dans la vie que de coucher avec Tom Cruise. Mais voilà, pour te dire comment le personnage de Demi Moore, il s'est retrouvé là-dedans, des quoi. Trucs un peu bizarres, quoi. Après, ils sortent quand ils ont quand même un espèce de rendez-vous. À un moment, elle lui demande de manger ensemble, mais il y a rien de romantique en effet. Non, c'est ça. Ouais. C'est pas, ça base pas toute l'histoire sur un flirt, sur une comédie romantique, quoi. C'est pas ça du tout. Et après, bon, je sais pas, c'est encore les mecs. Bon, je sais, on n'a pas la même vision peut-être, mais pour moi, c'est encore les mecs méga arrogants qui arrivent, qui a un peu d'expérience, qui est un peu l'enfant prodige, mais qui n'a rien à foutre, qui fait un peu le bad boy, qui finalement réussit tout sans avoir bossé plus que ça. Bof. Ça m'emmerde. Ok. honnêtement. Bah et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, bon, le personnage de Tom Cruise, on en reparlera, je pense, plus tard, parce que pour moi, il y a quand même un truc qui n'est pas exactement pareil que d'habitude, que ce qu'on voit. Effectivement, c'est un jeune arrogant, mais il y a quand même des variantes, mais on en reparlera. Après, le film, moi, j'aime bien les films de procès, tout ça, donc ça me plaît. Tu suis l'enquête, tu te demandes comment ils vont s'en sortir, machin, nanana. Après, effectivement, il y a des super acteurs, parce que t'as quand même. Il y a Kevin Footloose Bacon. Il y a Jack Nicholson. Enfin, tu vois, il y a quand même du. Il y a deux héros de séries télé des années 90-2000. Parce qu'il y a. Il y a Kiefer Sutherland qui fait Jack Bauer dans 24 heures chrono. Ah ouais, mais ça, j'ai pas. Il y a Noah Wyle. Je crois que c'est Noah Wyle qui fait un des militaires qui doit être celui qui conduit la Jeep, qui sera le docteur Carter dans Urgence. Ah non, mais que c'est celui qui fait le témoignage en disant les codes rouges. C'est ça. Ouais, lui, c'est vrai. Voilà, donc tu vois, ouais, lui, il fait un peu plaisir. Ça fait plaisir, mais bon, ça suffit pas. Ouais. Après, non, j'aime bien. Moi, j'étais dans le film parce que c'est exactement ce que tu t'attends à voir de ce genre de film, quoi. Après, l'inconvénient, je pense, c'est comme toi, hein, c'est sur les personnages secondaires, en fait. Il y a un bon casting, il y a des personnages qui pourraient être bien, mais en fait, ils servent tous que Tom Cruise, quoi. Ouais. En fait, t'as Tom Cruise et Jack Nicholson, et tous les personnages, ils n'existent pas en tant qu'eux. En tant qu'eux-mêmes, ils doivent servir un de ces deux personnages-là, quoi, en gros. Tu vois, oui, mais même le choix de. Tu vois, en tant que personnage, les choix d'appeler quand même les colonels Jess, même s'il réussit miraculeusement à le faire confesser. En réalité, c'est trop bateau, quoi. C'est trop bateau, c'est trop faux. Jean-Mi de la Ville aurait risqué la cour martiale, il avait 6 mois pour les deux autres. Je veux dire, ouais, bon, mais après, ça fait partie de l'arc du personnage de Daniel Caffey. C'est ça, c'est en fait, en gros, lui, c'est un branleur. Il n'a pas du tout, ça ne l'intéresse pas, mais son père était un grand avocat, donc il le fait, mais en vrai, il s'en fout un petit peu. Ouais. Et il découvre finalement un peu les joies, enfin, le plaisir ou le potentiel que c'est de faire ça à travers les personnages de Sam et de Joe, qui essaye de le ramener un peu à bah, tu vois, tu peux bosser, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais c'est vrai que eux, par contre, ils existent en tant que personnages eux-mêmes, ils n'existent pas grand-chose, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Non, ouais. Ouais, voilà. Après, c'est marrant parce que c'est un film, du coup, c'est un film de Rob Reiner. Bon, Rob Reiner, c'est un réalisateur qui a fait des trucs chouettes, mais qui n'a pas une grosse, grosse vision de grand artiste, en tout cas sur ce film-là, je vois. Après, il a fait des trucs, genre, il a fait Spinal Tap, des trucs un peu plus cool. Ouais. Mais par contre, c'est surtout un film qui est important pour Aaron Sorkin, le scénariste. Parce qu'Aaron Sorkin, maintenant, c'est quand même quelqu'un de très connu. C'est un grand scénariste. Il a notamment notamment fait le Social Network. Ouais. Donc ça, c'est important. Il a écrit plein de séries. Je sais que j'avais vu notamment The Newsroom qu'il avait écrit. C'est quoi ? The Newsroom, la chambre des informations. Je sais pas. Newsroom. C'est sur une rédaction télé, en fait. D'accord, non, je connais pas. Okay. Et après, c'est lui qui a fait récemment Les 7 de Chicago. Il a écrit et réalisé. Okay. Et tous ses films, c'est un peu un gimmick, c'est que tous ses films, ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est lui qui l'a fait à La Maison Blanche aussi, comme série. D'accord, ok. Et c'est vraiment des films hyper bavards. Et là, Des Hommes d'honneur, c'est ultra bavard, quoi. Ouais, ça n'arrête beaucoup. Pas. Ça parle tout le temps. Y a très peu, là, la preuve, hein, quand on cherchait un extrait à regarder, il n'y a pas un peu pas d'action, quoi. Pas d'action. Donc, le plus d'action, c'est une Jeep qui traverse un chemin, quoi. Ah, c'est pas ouf. Et encore. Ça parle énormément. C'est très, très. Ouais, c'est ça. Après, c'est que des trucs d'orateur, quoi. Oui, en plus, c'est hyper malin et c'est hyper intéressant. C'est pas que tu t'endors. Ah non, genre, en plus, c'est la tartine ou tu t'endors, quoi. C'est bien écrit. Très bien écrit. Et Aaron Sorkin, à la base, il vient du théâtre. En fait, c'est un mec qui a écrit des pièces de théâtre beaucoup. Notamment, la revanche du théâtre. Notamment, du coup, A Few Good Men, à la base, avant d'être un film, c'était une pièce de théâtre. Ah oui. D'ailleurs, c'est écrit un moment dans les films, non, parce que je le savais. Ah, peut-être. Je pense que based on the screenplay. Voilà. C'est ça. Yeah, et donc, c'était une des premières pièces de Aaron Sorkin qu'il avait écrit, qui a joué à Broadway pendant, je sais plus, 700 fois, 800 fois. Ah ouais? Mais c'était un musical? Non, c'était. Bah, après, à Broadway, ouais, il y a des musicals, ouais. Quoi. Ouais. Et c'était. Et les droits pour le film, pour l'adaptation en film, ont été vendus avant la première de la pièce de théâtre. C'est ah ouais? Quand même. Ouais. C'est le producteur David Brown. Ah, mais attends, du coup, ils ont fait d'abord les films après la pièce? Non. En fait, la pièce allait sortir. Mais tout le monde savait que ça allait sortir. Et il y a un producteur qui a directement acheté les droits avant que ça démarre. Et c'est notamment un des producteurs des Dents de la Mer. C'est pas n'importe quoi. Pas mal. Et après, autre anecdote sur la pièce de théâtre et sur Aaron Sorkin, c'est qu'en fait, il s'est inspiré pour écrire ça d'une histoire que lui a raconté sa sœur, qui est avocate. Ah. Qui a pareil, qui est au début, et en gros, ses premiers postes, c'était dans la Navy. Enfin, c'était, elle était avocate militaire au début. C'était Demi Moore. Non, c'est pas... ouais, enfin, oui, voilà. Mais peut-être avec une carrière plus sympa. Plus sympa, ouais, un peu meilleure. Et qui, du coup, lui racontait qu'il y avait que c'était ce genre d'affaires était déjà arrivé. Et lui, il a écrit ça. Et il a... Alors, après, alors, la grosse anecdote toute pétée, c'est qu'apparemment, il était ouvreur ou je sais pas quoi dans une salle de théâtre pour je sais plus quel truc. Enfin bon, il était ouvreur. Et pendant le spectacle, il écrivait sur des napperons, sur des petites serviettes en papier. Ouais. Il a écrit le script comme ça en une soirée. Ça, c'est vraiment ça, les trucs bancals. C'est le truc romantique, mais ouais. C'est pour dire, ah, quand même, Aaron Sorkin, c'est un mec, t'as vu. Hein, il a bossé dur. Ah là, il a bossé dur. Mais bon, Hollywood. Après, ça a cartonné, et bah, maintenant, il est quand même il est très connu. Un bon, ouais, carrément. Et il réalise. Après, c'est pas un grand réalisateur, mais c'est un scénariste quand même très, très reconnu, je pense. Bravo, trop bien. Bah, en effet, je pense que dans les films, tu sens bien les trucs. C'est pas, comment dire, au niveau de loi, moi, je connais rien, les droits, je connais rien et tout ça. Mais je me dis, ah ouais, tu vois les détails des deux qui sont coupables, tu vois, c'est pas moraliste. Ils ont quand même buté quelqu'un, mais c'est pas moraliste en disant, ah, c'est mal, vous avez tué quelqu'un. Et tu vois vraiment les derrière des avocats qui n'essayent pas de prouver qu'ils l'ont pas fait, mais essayent de prouver que peut-être ils l'ont pas fait. Tu vois, ces trucs-là, je trouve que c'est très fin. Mais ça, c'est souvent sur les films comme ça, les films de tribunal, c'est intéressant quand vraiment t'es sur du détail. Ouais, pas quand c'est juste noir ou blanc. Sinon, ouais. Ça, c'est un épisode de Columbo, sinon. Et ça, c'est très bien aussi, tu vois, mais c'est pas la même chose. Non, mais Columbo, c'était pas un détective privé. Ben, si, mais tu vois, c'est pareil. C'est, en gros, tu cherches le coupable, et le coupable, c'est bon. Après, le procès, t'en fous. Mais tu sais que sur un procès, surtout un truc comme ça, ça se joue sur des détails. Et c'est intéressant, effectivement, de voir quand ils cherchent. Par quel angle attaquer. Ouais. Quand on voit tous les défilés de tous les témoins. De tous les témoins, ouais, tu te dis, hop, avec ce témoin-là, il arrive à démonter une petite partie pour remettre le doute pour le jury, un peu sur un autre, etc. Donc c'est d'ailleurs, très belle scène avec les témoins qui racontent que lui, il a subi les codes rouges, où l'avocat d'accusation, il va en disant, ça, c'est un bouquin sur les militaires, machin truc. Trouvez-moi où c'est la page du code rouge. Et il dit, il n'y en a pas. Et ça, c'est un autre bouquin, trouvez-moi, c'est les bouquins du corps rouge. Il n'y a pas. Du coup, il n'y a pas. Et Tom Cruise, il prend les bouquins, il dit, montrez-moi où c'est la cantine. C'est drôle, ça. Il dit, il n'y a pas. Alors, comment vous savez comment vous savez où est la cantine. Ouais, là, trop ça, bien. Et ça, c'est vrai, c'est des petits trucs que tu aimes bien voir dans les films d'avocats. Cool. Et tu te dis, le mec, il rebondit direct, il est hyper malin, il fait tang. Et il trouve les bons angles. Et c'est marrant, quoi. Ça, c'est cool. Faut aimer les. Les avocats. Je pense que c'est ça. C'est un peu un film réservé aux amateurs de films de tribunal, quoi. Et aux gros machos. Ça, c'est le problème des films qui sont dans la Navy et tout ça. C'est... Après, c'est pas une super campagne de recrutement, tu vois. Par rapport à Top Gun, ça donne moins envie de s'engager. Hein. Ah ouais, non, pas du tout. Ouais, carrément. Parce que le titre du film est inspiré d'une campagne de recrutement de la Navy. Ah, intéressant. Attends, faut que je le retrouve, je l'avais noté. We are looking for a few good men. Super anglais, pardon. We are looking for a few good men. Et ouais. On pourrait traduire par nous recherchons des bons gars, des honnêtes hommes, peut-être. Quelques honnêtes hommes. Je sais pas. A few good men, c'est ça. Un peu de gens honnêtes, quoi. Mm. Il nous en faut un peu, quoi. pas trop. Pas beaucoup. Non, mais il faut les trouver. Ouais. Mais bon. Cool. Très bien. Tu veux d'autres anecdotes? Oui, c'est un oui. Jack Nicholson, il a touché 5 millions. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, enfin, il a eu seulement 8 jours de tournage, il a 3 scènes. Hein. Ça va. Non, ça va. On a l'impression qu'il est très présent, mais en fait, pas du tout. Mais c'est parce que c'est tout. Et par contre, il est dans toutes les discussions, puisque c'est vraiment central, puisque a priori, en gros, la défense, c'est si on arrive à pointer que tout est parti de là, normalement, tout s'effondre. C'est pour ça que tout le monde en parle tout le temps. Oui. Entre ceux qui ont peur de lui, entre ceux qui le planquent, entre ceux qui veulent l'attaquer. Mais ouais, du coup, il a que 8 jours de tournage à peine. c'est complètement fou. C'est ouf. Après, j'ai vu encore une anecdote, je sais toujours pas ce que ça vaut. C'est qu'apparemment, Tom Cruise, il faisait des heures sup pour travailler son rôle. Mais bon, faut être fatigué pour avoir l'air fatigué. Ouais, pour avoir l'air un peu, je sais pas. Maudite. D'ailleurs, je dois dire qu'il a perdu sa beauté. Qu'il est propre. Il est trop propre. C'est toujours le truc. Hein. Quand il est propre, t'aimes pas, toi. Non, mais en plus, vraiment, je l'ai trouvé vraiment moche à des moments. Ouais, mais c'est le costume militaire. Ouais, ça va pas. Ouais. Ça va pas. Puis c'est encore, la crasse. Et les looks, il y a encore un des restes des années 80 avec les machins amples et tout. Ça va pas, c'est pas ouf. Non, pardon. Voilà, oui, contrairement à Top Gun, par ce qu'on disait tout à l'heure, eux, ils n'ont pas été aidés du tout par l'armée ou par le ministère de la Défense. Hein, tu m'étonnes. C'était rigolo, je lisais un truc et il parlait de ça, il disait qu'en gros le ministère de la Défense n'a pas aimé. Je dis, bon, mais d'ailleurs, je me demande, est-ce que ça existe vraiment, les codes rouges là, ou c'est un truc qu'ils ont inventé? Si quelqu'un le sait, on est intéressé. Ouais. Voilà. Après, si tu as un dernier truc sur avant qu'on passe aux Oscars, parce que c'est important quand même. C'est que donc tout le monde était à fond avec Jack Nicholson. C'était à l'époque, c'était quand même une grosse vedette, et donc tout le monde était comme des dingues. Et celui qui joue Sam, Kevin Pollak, du coup, un bon comédien d'ailleurs. Un bon comédien, qui a joué dans Usual Suspect d'ailleurs. Ouais. Et il avait invité sa mère à être figurante pour le procès pour qu'elle puisse voir Nicholson en action. Ah, trop mignon. Et qu'apparemment, alors ça c'est pas. Je te sors vraiment des anecdotes pourries, mais apparemment sa mère aurait essayé de draguer Nicholson. Enfin bon, c'est... Ah bon ? Mais il n'est pas si beau que ça, Nicholson, en plus, à l'époque. Après, c'est le charisme qu'on peut chercher. J'en ai deux dernières rapides. Bah, tu vois, Demi Moore, dont on parlait, qui ne fait pas effectivement un grand film. Elle était en compétition avec Jodie Foster et Linda Hamilton pour le rôle. D'accord. Ah, Jodie Foster, encore une fois. Oui, elle était partout, Jodie Foster. Bah ouais. Et du coup, elle a... Pour être sûre d'être prise, elle a accepté que son salaire soit 2 millions au lieu de 3. Oh, t'imagines ? What ? Et Tom Cruise, il a été payé combien ? Bah, 12 millions, ça. Oh putain. Voilà. Bonjour, c'est les années 90. Rien n'est arrangé. Ah, c'est horrible. Bah ouais. Ah bon. Et ouais. Dernier truc, c'est que pour le rôle du colonel Jessup, il y avait potentiellement Gene Hackman qui était pressenti, qui a refusé parce qu'il a été sur le tournage de Impitoyable. Avec Clint Eastwood. Ah ouais, ok. Et du coup, il s'est retrouvé en compétition avec Jack Nicholson pour les Oscars. Ah ouh ! Tu vois la transition là ? Ouais, c'est beau. Donc c'est le moment, si je me suis pas trompé, pour se parler des Oscars. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui. Andy Oscar goes. Donc là, les Oscars. Dans les films de Tom Cruise, il y a toujours au moins une personne qui traîne sur le plateau qui a eu un Oscar dans sa vie. Ouais. Ou qui l'aura. Ou qui l'aura à un moment donné ou à un autre. Là, on commence vraiment à être sur les gens, ils l'ont déjà. Ouais, depuis longtemps en plus. Tu vois, ça commence à faire mal. Voilà. Et Tom Cruise ne l'a toujours pas. Et non. Alors, du coup, d'après toi, qui est-ce qui est. C'est aussi un peu le moment quiz. Ouais, c'est ça. qui a eu des Oscars ? Avant ou après ? Je me demande si Demi Moore. Demi Moore, non, n'a pas eu d'Oscar. Non. Rob Reiner, non ? Le réalisateur ? Non, Rob Reiner, il n'a pas eu d'Oscar. Non ! Jack Nicholson. Mais il en avait déjà pour. Oui, il avait. Shining. Il avait Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah oui, Tendre Passion, et après il a eu pour le pire et pour le meilleur. Plus 9 nominations. Enfin, il en a déjà. Les pires et les meilleurs, c'est quoi ? Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais. Ok. Bon. Bah, les nids de coucou, là. Une comédie romantique avec je sais plus qui. Il avait gagné ? Ouais, il en a 3 des Oscars. Waouh. Et oui. Et oui. Et puis. Il y en a d'autres. Non, il y en a un, mais c'est abusé. C'est Cuba Gooding Jr. qui fait un petit témoignage. À un moment, il va avoir un Oscar dans un film plus tard dont on va parler. Ah oui. Mais attends, d'ailleurs, oui, je me rappelle de l'avoir vu, mais je ne me rappelle plus d'un. Oui, il fait un tout petit témoignage, il a 2 phrases. Ah, mais c'est lui qui dit, ah oui, qui fait. Ne pas toucher à Santiago. C'est ça. Ouais, c'est juste ça. Ah, délire. Et après, il y a aussi Aaron Sorkin qui a eu un Oscar pour Social Network. Ah, il l'a eu ? Ouais, pour le scénario. Waouh. Ah là, non, mais attends, et du coup, Jack Nicholson, il l'a eu pour. Et Jack Nicholson l'a eu pour A Few Good Men. Pour ses films. Non, attends, il ne l'a pas eu, non, il a juste été nommé, je crois. Ah, Gene Hackman qui l'a eu pour Impitoyable, c'est ça. La compétition entre les deux, les deux étaient pressentis pour le rôle. Gene Hackman était sur Impitoyable en second rôle, Nicholson sur A Few Good Men en second rôle. Les deux étaient nommés aux Oscars et c'est Gene Hackman qui a gagné. Bravo, Gene. Gene qu'on va retrouver dans 2 semaines. Ouais. Et après le film, il y a eu 4 nominations pour le film. Il y a eu meilleur film, meilleur second rôle pour Nicholson, le son et le montage. Le son. Ouais, que pas. Ouf. Moi, j'ai pas trop saisi pourquoi. Les montages, je comprends. Il y a beaucoup de cuts, des machins, ouais, des trucs. Mais c'est pas, ouf. C'est pas le montage le plus original du. Après. Le plus original, c'est la danse des majorettes militaires. Ouais, je pense. Ouais, mais ça, c'est même pas. Ouais. Mais non, après, le montage, il a l'avantage d'être hyper efficace pour un film qui pourrait être très compliqué. Oui, complètement. Ça, c'est peut-être ça qui est un peu plus mis en avant, quoi. Ouais, après, le son, par contre, j'arrive pas trop à saisir pourquoi. Bon, le son, c'est trop bizarre, c'est pas ouf, mais quoi. c'est pas la bande de son, c'est vraiment non, les, c'est le son. Ouais. C'est trop bizarre. Parce qu'après, la bande son, c'est une bande son assez typique. C'est Mark Shaiman qui le fait. Peut-être dans la scène. Bon, je sais pas. Non, mais c'est pas assez ouf que ça. Hein. Il y a juste des gars qui parlent. Bon, après, ils l'ont pas eu. C'est juste une nomination. Ah, bon, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Oui, j'ai pas dit les sous-sous. Parce que du coup, ça a marché ou ça a pas marché? Parce qu'on a dit, le salaire de Tom Cruise, c'était 12,5 millions. Alors, ça va. 41 millions de budget. Pas tant. Entre les 12 de Tom Cruise et les 8 de Jack Nicholson. Jack Nicholson et les 2, la pauvre, de Demi Moore. Ouais. Mais ça du coup, donc beaucoup, ça. Hein. Putain, attends, il y avait aussi Kevin Bacon, faut les payer tout ça. Ah oui, genre. Kevin Bacon. Hein. Il a dû prendre 2-3 millions quand même, lui. Bah, plus que Demi Moore, ça, c'est sûr. Ouais, pour deux fois moins de temps. Et au box-office, donc ça coûte 41 millions et ça en rapporte 243. Oh ah la boum. Allez, encore un. Ah film à plus ouais de 243. Ah ouais, putain, mais ça a cartonné. Ah oui, mais je pense que c'est assez culte. C'est un gros classique. Je pense que c'est un classique aux États-Unis plus que dans le reste de le monde. Oui, j'ai parce pas que trop vérifié. Ah non, pas... non, en fait, ça fait 141 millions aux États-Unis et 102 millions dans le monde. Waouh! Donc c'est un peu classique. Mais sans, tu comptes les 40 millions là ou pas? Tu les as déjà enlevés? Ah non, j'enlève pas. Je vais pas m'amuser à faire le budget du film non plus. Non, mais je veux dire, ils ont fait non, du coup. Ça a coûté 41 millions et ça en a rapporté 240. Oui, du coup. Au box-office. Donc en vrai, t'as une plus-value de 200. Voilà. Ok. Pardon. Après, si détail tu veux, important. Non, parce qu'on a un tableau qui récapitule tout et j'ai quand même une colonne avec le ratio pour savoir combien de fois ça a rapporté le budget, enfin, par rapport au budget. Ah oui. Par combien ça a été multiplié. Ah, mais là, c'est énorme. Bah, là, c'est multiplié par 6 fois quasiment. Bah oui, mais c'est en enlevant le truc, c'est 5 fois. Oui, bon, bref. T'as compris. Oui, tout à fait. Voilà, c'était la partie chiffre. Très bien. La fameuse partie chiffre. Ah, gros succès. Ok. Ok. Et là, maintenant, on va entrer dans le dur. Dans le dur du dur. On va parler de Tom Cruise. Alors. Bah, alors, toi, moi, j'ai l'impression que toi, ça t'a pas trop. Non. Moi, j'ai été très touché. Enfin, j'ai très touché. Non, c'est pas touché quand même, t'exagères. Non, j'exagère, c'est pas le mot. Mais non, mais j'étais très agréablement surpris parce que je m'attendais. Ça a démarré le film. Bon, je savais pas quoi je m'attendais. Je me suis dit, il va faire le premier de la classe parce que c'est un avocat, machin. Et ça démarre, c'est le petit arrogant. Tu fais, bon, ça, on l'a déjà vu, ça va être chiant. Ouais. Puis, en fait, tu te rends compte que c'est pas exactement le même type de petit arrogant. Avant, c'est le petit arrogant qui veut écraser tout le monde pour réussir. Là, c'est le petit arrogant qui est un branleur et qui en a rien à foutre. Donc, déjà, finalement, ça change un peu le postulat. Et après, il y a deux trucs que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'il est très drôle, en fait. Dans le film, c'est lui qui a les meilleures blagues. Et il est vraiment drôle. J'ai trouvé que. Bon, toi, c'est il y a peu de moments drôles, je trouve que c'est lui qui les amène et qui est pas mal du tout. Et après, j'ai bien aimé, c'est qu'aussi, il a un truc, il a des tics, il a énormément de tics tout le temps. T'sais, il prend sa batte, il tripote des trucs. Et ça monte crescendo avec le film au fur et à mesure de comment il s'implique avec le truc. Et je trouve que c'est plutôt bien amené, du coup, parce que c'est assez discret. Dans le jeu, tu le captes, tu la vois bien, la montée en intérêt pour le truc. Et après, sinon, il n'y a rien d'extraordinaire ni de remarquable, tout ça. Mais moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'étais assez convaincu. Oh allez, no! Allez, c'est à toi maintenant. Mais non, moi, pas du tout. Je trouvais. On l'a déjà vu dans ces rôles-là. Il le fait, mais bof, quoi. Pas le fait, mais il est toujours un peu contraint. Ça, c'est des petits espaces. Il fait rien physiquement. Je sais pas. Ah bah je ça, trouvais, il fait rien physiquement. Ça, c'était pas un bon peu. Film, en plus, ça a encore l'arrogant, encore l'enfant prodige, encore les problèmes avec les pères. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, tu fais ah, les pères, un autre problème. Ouais, ça, encore la copine, mais avec laquelle il n'y a aucune. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune réelle attirance à l'écran. Tu vois. Bon, Demi Moore, je l'ai vraiment pas aimé. Bah, il faut dire, elle joue vraiment mal. Elle a un mauvais personnage. Elle a rien à jouer. Ah, mais bien sûr. Mais en plus, tu vois, mais même dans leur complicité, tu vois, il y a même pas d'attirance. Il y a rien, quoi. Parce qu'à un moment, ils veulent jouer sur l'ambiguïté. Ils nous font croire que Tom Cruise, il a de l'intérêt pour elle. Et elle dit non, mais moi, j'ai pas d'intérêt pour toi. Bref. Mais on l'a pas vu jusqu'à. On comprend pas. Bof. Je trouve, c'est pas. Bon, après, il faut dire, les derniers dialogues, tous les moments des scènes au tribunal, très très bien, ouais. Mais parce que je pense que c'est très bien écrit. Oui. Mais avant, bof. Ah ouais, je sais pas. Moi j'aime bien. Je trouve que le personnage est plutôt bien écrit, qu'il le joue dans ce qu'il faut justement. Oui. Ce truc mais... de passer de je suis un branleur et je veux surtout pas aller dans un tribunal parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Je préfère aller jouer au baseball. En fait, je me prends au jeu et même je prends le risque d'aller emmerder Jessep parce qu'en fait, ouais. Finalement, je commence à comprendre l'intérêt de ce métier-là. Quoi. Métier qui faisait un peu par hasard, enfin pas par hasard, mais par obligation, puisque son père l'a fait, etc. Et je trouve que ça colle plutôt. Mais voilà. Mais non, on n'est pas d'accord. Non. Ça n'arrive pas souvent. Non, ça n'arrive pas souvent en plus. La dernière fois, c'était un film où Legend. Où ils étaient dans la forêt. Non, mais ça. Bah, je ne sais pas. Je me dis. Tu vois, moi, je me dis vraiment, si j'étais sa mère, je vais voir ça au cinéma. Je dis, OK, t'as joué avec Jack Nicholson, plutôt pas mal. Oui. Bravo. Oui, et puis il tient la route. Hein, les charges qu'ils ont, les deux, ça marche pas mal. Hein. Et lui, ils sont tous les deux hyper forts et ça se voit que ça marche. Ça, oui. Et en plus, les silences, tu sens les silences là. C'est vraiment suspendu, quoi. Mais à part ça, je dis, encore le même perso. Oui. Encore ça, encore ses cheveux encore coupés comme succès. Ça, encore aussi moche, ça va pas, encore propre. Ouais, mais bon, un gros succès encore. Eh oui, bah parce qu'on le veut comme ça peut-être. Oui, mais c'est ça. Bah oui. Bref, fin sur Tom Cruise. Sur Tom Cruise, on est bon. Oui. Du coup, on note. Oh non. Ah, t'as pas envie. Il est quelle heure là? Je vais m'échapper. C'est bien. L'heure du coup. Allez, le cruisomètre, l'échelle de 0 à 100, exprimée en pourcentage sur après la séance, Tom Cruise, son jeu, son aura, ce que ça évoque pour la suite. Qu'est-ce que je sais pas comment. C'est une définition très personnelle, le cruisomètre finalement. C'est entre la carrière de Tom Cruise, qu'est-ce que ça vaut ce truc pour la carrière de Tom Cruise, pourquoi c'était important ou pas important. Est-ce qu'on l'aime bien là-dedans ou pas? Voilà, ces trucs un peu bizarres. Ah, oups, j'ai touché le micro. Ces trucs un peu bizarres où on dit ce qu'on pense et en même temps, c'est que c'est bien pour lui. Alors, ça va pas être facile. Hein. C'est hyper dur. Moi, ouais, je crois que là, j'ai navigué beaucoup et c'était pas simple. Je me suis dit, ça doit être pas loin de La couleur de l'argent, dans ce que ça fait. Ah. Alors que c'est un moins bon film, je pense. C'est beaucoup moins bon que La couleur de l'argent. C'est ça. Mais c'est pareil, on l'oppose à un grand acteur. Donc là, c'est Nicholson, avant c'était Paul Newman. Et il a du répondant, il pose quelque chose dans un film qui a quand même cartonné, qui a quand même marché. Donc pour moi, ça doit être dans ces eaux-là. Non, mais dans La couleur de l'argent, quand même, son personnage, il est un parcours. Ah, son personnage, ouf. Il est génial. Oui, mais il est trop fort à faire ça. Mais ce film est beaucoup moins culte que. Enfin, moins oui, resté mais dans c'est les pour ça que c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, c'est pour ça que pour moi, je mets. Non, même endroit. À peu près dans ces eaux-là. Donc, pour moi, ce serait dans les 60%. Donc, 60%! Bah oui. Bah, c'est un film quand même qui a cartonné et qui a l'air a priori culte aux États-Unis. Tu vas me détester parce que moi, je vais mettre 40. Tu mets 40? Ouais. Parce que. Bah non, mais pour moi, en fait, si tu l'enlèves, tu enlèves ces films, en fait, ça ne change rien. Eh oui, mais La couleur de l'argent, c'est un peu pareil, en fait. C'est ce qu'on s'était dit là à ce moment-là. Hein. Ah ouais, j'avais donné beaucoup à La couleur de l'argent. Bon, t'avais donné 52, je crois. Ouais. Comme ça. Non, mais c'est des films, effectivement, qui marchent bien, mais que, effectivement, tu ne te rends pas compte. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu. Sur la carrière. Surtout que là, c'est vraiment le mode. On est dans la période pour Tom Cruise où c'est de la production, on produit des films. Enfin il en fait des films. Et ça cartonne à chaque fois, c'est 200 millions, 200 millions. Et que tout est un peu interchangeable. En réalité, n'importe quelle chose, il aurait fait et il aurait remporté 200 millions, je pense. Il y a un peu ce truc-là, ouais. J'ai l'impression. Les années 90, en tout cas, les années 90, c'est un peu ça, quoi. Chaque film, bah ouais, ça va marcher. Après, c'est voir comment là-dedans, effectivement, il navigue, comment nous, on le ressent plus ou moins. Ça va pas être... Les années 90 vont pas être faciles à noter, je pense. Non, elles sont hyper difficiles. En plus, c'est pas. Bah, il y en a certains, oui, mais. Tout n'est pas culte de la même façon, je sais pas. Il y a plein de films moyens qui sont pas si mal que ça, mais quand même. Ah, en tout cas, 40%. Voilà. Bon, bah 40, c'est 50 pour moi. 50 pour toi ? 60, pardon, j'ai dit 50. 50, c'est la moyenne, du coup. C'est la moyenne, ouais. OK. Tu veux du Rotten Tomatoes pour savoir quand même ? Parce que là, par contre, ça va peut-être pas te faire plaisir. Non, Rotten Tomatoes, c'est 83%. C'est vraiment beaucoup. 83, quand même, ils abusent. 83, c'est énorme, ouais. Ah ouais. Mais ça a été super bien reçu. Hein. Je lisais un peu les critiques. C'est vraiment... des critiques assez, assez dithyrambiques sur, sur ça. Sur ce je film. Trouve ça dingue. Avec, je pense que ça passerait plus aujourd'hui un film comme ça. Oh, tu crois que ça passerait bien? Pourquoi? Avec Demi Moore. Qui sert à rien. Qui sert à rien. Bah, il mettrait un mec à la place directement. Oui, bah, encore mieux. Ce qui n'est pas mieux. Ouais, ça va. Ok, d'accord, je ne m'attendais pas autant. Ouais. Ah ouais. Bon, mais Jack Nicholson, il fait quand même sa part aussi là-dedans. Oui, bah oui. Après, je sais pas. J'ai... Bah du coup, ça, c'est bien de me lancer sur ça parce que j'ai une question. Ah, vas-y. C'est jingle. What? Ah ouais, la question du jour. Parce que suite à, après tous nos échanges, etc. Donc, Jack Nicholson qui apparaît à l'écran très peu, il y a 3 ou 4 scènes, je crois, à peine. Et il est nommé pour l'Oscar du second rôle. Ok. Ouais. Tom Cruise, on sait que dans sa carrière, il n'y a pas eu beaucoup de moments où elle a été nommée pour quoi que ce soit aux Oscars. Du coup, ma question, est-ce que Tom Cruise est fait pour les Oscars? Est-ce que les Oscars sont faits pour Tom Cruise? Est-ce que les Oscars, c'est pas finalement de la grosse merde? Oh c'est sûrement de la grosse merde, mais... C'est une réflexion que je me suis fait parce qu'effectivement, nous, depuis le début, on a toujours ce truc avec les Oscars, essayer de repérer qu'est-ce qui fait que... Pourquoi il a été boudé, etc. Machin. Et je me rends compte, souvent, quand on regarde qui a gagné l'Oscar à ce moment-là, il y a certains rôles, oui, clairement, qui sont identifiés. Tu vois, Tom Cruise, finalement, le seul où il est nommé, là, c'est Né un 4 juillet, quand il fait une performance physique où il gueule fort. Mais Magnolia aussi, il a été nommé. On n'a pas encore parlé de Magnolia, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, truc où, quand DiCaprio, pendant des années, il n'a pas d'Oscar, et tout d'un coup, il en a un pour Revenant, parce qu'il fait un truc physiquement complètement fou, alors que, enfin, tu vois... Ouais, tu te demandes en fait si. Oui, mais si c'est ça, si c'est les trucs physiques. Putain, Tom Cruise, dans tous les Mission Impossible, il fait des trucs de malade. Ouais, mais il faut que ce soit physique et en même et temps artistique et un peu politique, mais pas trop. T'as l'impression qu'il y a une espèce de gimmick de truc pour les Oscars ou alors il a des très mauvaises relations. Non, mais je pense que c'est ça. En fait, c'est pas juste les rôles, c'est aussi la personne et la pub et la boîte de distribution qu'il y a derrière qui sûrement achète implicitement les Oscars. Quoi. C'était un peu les sous-entendus avec Weinstein aussi. Ouais, c'est que Weinstein, il y a un moment, tous ses prods avaient des Oscars. C'est les Oscars, ouais. The Artist a eu un Oscar, c'est pas et la rien. Honte, la honte, c'est la ça. Honte. Voilà. Non, mais du coup, tu vois, c'est ça que tu te dis. Nous, on a ça, hein, faut dire, comme étalon, enfin, comme repère, les Oscars. C'est à la fois pour la blague, mais aussi parce que c'est ce qui se dit pour le cinéma, que c'est un peu le top du top, l'Oscar ou la Palme d'Or, à la rigueur, tu vois. Ouais, mais en fait. Mais en fait, c'est une industrie. Donc, Et est-ce que, du coup, que Tom Cruise soit exclu des Oscars? Est-ce que ça ferait pas de lui un rebelle? L'anticonformiste rebelle. C'est bon ça. Bah putain, oui, parce génial. Que c'est le seul qui se plie pas, tu vois. Il s'est pas plié en tout cas. Et puis qui maintenant il s'en fout, hein, clairement. Ah, je pense que là, depuis Magnolia, je pense qu'il s'en fout. Hein. Ouais. Ah, putain, c'est pas mal, tu vois, c'était une question, je me demandais si ça allait être intéressant. En fait, c'est assez intéressant. Non, mais l'Oscar, moi, ça m'intéresse trop, alors. Ouais, mais de toute façon, on a toujours notre rubrique Oscar et c'est intéressant de voir. Ouais, parce qu'il y a vraiment des gimmicks, c'est assez surprenant comme oui, et c'est vrai que des fois, il y a des espèces de scandales. Oui. Mais on en parlera à un autre moment. Ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, voilà, c'était ma petite question pour finir. Très, mais très du bien. Coup, avant de clore complètement, on va se faire des petites recommandations. Ouh là là. Est-ce que du coup, parce que avant qu'on démarre l'enregistrement, Serena me dit, bah, j'ai pas de recommandation, je suis dans la merde, j'ai pas de recommandation. Mais je vais en trouver une. Bon, est-ce que tu en as trouvé une ou est-ce que tu veux que je donne la mienne pour te laisser 5 minutes pour réfléchir? Donne la tienne. Allez, bah moi du coup c'est pareil, j'ai trouvé ça un peu dernière minute, mais je vais recommander un bouquin qui est vieux, que tout le monde a déjà lu, ça se trouve, donc c'est une recommandation pourrie. Ça s'appelle, en français ça s'appelle Crime, en anglais c'est Compulsion, avec un vrai accent, ça doit être bien. Mais Compulsion. Compulsion. C'est un film, c'est un livre de Meyer Levin qui a été adapté en film. Ok. Dans les années 50, je dirais, parce qu'il y avait, Orson Welles qui jouait dedans. Ah ouais. Je crois que ça doit être dans les années 50. Bref, mais le bouquin et le film, je crois que le film doit être à peu près la même histoire. C'est l'histoire de, c'est un livre de procès, clairement. Il y a deux morceaux. Il y a la première partie sur le crime et la deuxième partie sur le procès. Et je crois que le film est basé quasiment que sur la partie procès. Donc voilà, c'est mon lien que j'ai trouvé. Et c'est un bouquin du coup où ça nous raconte l'histoire de deux jeunes étudiants qui sont surdoués. Et qui ont vraiment un sentiment de supériorité qui est énorme. et qui du coup veulent, pour une espèce de fausse enquête sociologique, en tout cas pour prouver qu'ils sont vraiment supérieurs à tout le monde, faire le crime parfait où ils seraient jamais trouvés, ils seraient jamais chopés. Donc parce qu'ils sont persuadés qu'en fait personne peut les choper parce qu'ils sont beaucoup trop intelligents pour ça, donc ils vont. Mais ça c'est pas un homicide quand même. Les crimes pas faits. Ah si, c'est un homicide. Ah merde. Et du coup, ils vont... On s'en parle. Donc ça, c'est la première partie du film où ils vont élaborer ce crime, etc. Ah, intéressant. Et la deuxième partie, c'est le procès, parce que forcément, ils se font choper. Et ouais. C'est là que ça devient intéressant. Et dans le film, je n'ai pas vu le film, donc je recommande aussi le film, même si je ne l'ai pas vu, mais on verra. Ouais. J'essaierai de le voir à l'occasion. Et c'est Orson Welles qui fait l'avocat, et qui est dans le bouquin, et assez impressionnant. Mmh. Voilà. Trop bien. Ça s'appelle, donc, le bouquin s'appelle Crime, de Meyer Levin en français, ou Compulsion en anglais d'Amérique. Voilà, super. Ça t'a laissé le temps ou pas? Ouais, alors j'ai plusieurs doutes, recommandations pourries, parce que de ce côté c'est la recommandation facile. alors trois possibles quand même, plus ou moins dans les mêmes lots, comédie romantique rom-com américaine ancienne. Probablement très très macho, mais quand même. D'accord. Tu vois. Donc, on a par Kevin Bacon, on a Footloose. Ouais. Quand même. Qui est quand même. Bon, pareil, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je trouve quand même très bien. Par Demi Moore, on a Ghost. Voilà. C'est ça, en fait, tu nous fais une recommandation par acteur. Non, attends, mais Ghost. Oui. Bah, c'est bien. Mais, oui, avec Patrick Swayze. Ben bah, oui, notre chouchou. Non. Si, non, allez, les chouchous de Marilyn, allez, mais on l'a un peu adopté. On l'aime bien quand même. On l'aime bien quand même. Qui a appris pas mal de choses. Qui a appris à faire des rondas de flip. Voilà. Ou des saltos. Je sais pas, je pense que je passerai plus par ça. Ou sinon, je me disais aussi quand Harry meet Sally. Harry rencontre Sally. Voilà, c'est ça, je sais pas comment c'est. Quand Harry rencontre Sally. Ouais. Qui est aussi un peu rom-com par le réalisateur qui a fait ça aussi. Rob Reiner, c'est vrai. Mais qui a quand même bizarre les concepts. Genre, un mec et une fille ne peuvent jamais être potes sans coucher ensemble. Bon. Voilà. Hollywood, hein. Hollywood, les années 90, c'est la fête. Tout ce que j'ai pu trouver. Et il n'y en a aucune des biens, mais dans les trois, je pense qu'il y a toujours un truc qui, au moins, est bon, quoi. Voilà. Okay. You are welcome. Une belle manière de faire des recommandations, c'est on balance un petit peu tout et puis en gros c'est démerdez-vous, il y a forcément un truc qui va vous plaire. Bah là, je n'ai vraiment pas d'idée. Des avocats, non, je sais pas. T'as pas un truc sur le guacamole? Les guacamoles, ouais, non. C'est une blague ratée. Voilà, c'est une blague. Il faut des avocats pour faire un guacamole. Voilà. Je suis obligé d'expliquer cette blague, c'est très. C'est... Je sais pas, je vais peut-être devoir couper ça au montage. Allez, bon, bah on va s'arrêter sur ça, parce que c'est la cata. Pardon. C'est la cata, oui. On n'en peut plus. Et ben, c'est fini. Voilà, c'est fini. Du coup, on vous remercie beaucoup. On a deux, trois trucs à dire, c'est qu'on a un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous les épisodes, qui s'appelle cruisecontrol.card.co, card, C-A-2-R-D.co. Oui. Voilà. Vous avez là-dessus, vous avez tous les liens pour Facebook, pas pour Facebook parce qu'on n'a pas de Facebook, non. Pour Instagram, pour Twitter, toutes les Apple Store, machin. Si vous passez par Apple iTunes, vous mettez des étoiles. Oui. Normalement, c'est 5. Ça, c'est, je crois que c'est le truc qui se fait quand t'es un peu sympa. C'est ouais, quand, c'est te demande, quand quelqu'un arrive, te dit, hey, ça va, tu réponds ça va et tu lui poses la question. Tu vois. Oui, voilà. Ça se fait. Bah, pareil pour nous, bah, tu mets 5 étoiles, c'est sympa. On va dire que c'est un code entre nous. En plus, on ne se monte pas trop la tête. Il n'y en a pas beaucoup des 5 étoiles. Il n'y a même pas une seule étoile, je crois. Je pense, ça va. On ne regarde même pas. Non. Mais bon, faites-le, ça fera plaisir à quelqu'un. Parce qu'il y a un jour quelqu'un qui va dire, ah, oh, il y a 5 étoiles, je vais regarder. Et puis, ah, en fait, il va tomber dans bien. Le piège. Il va dire, oh, pourquoi il parle de gosse, c'est n'importe quoi, j'y vais plus. Donc voilà, bref. Ouais. On est hébergé par PodCloud, qui est une association qui fait de l'hébergement de podcasts indépendants. Qui fait de la promotion de podcast indépendant et c'est super bien. Ils sont trop bien. Ils ont un super catalogue. On se retrouve du coup dans deux semaines. Dans deux semaines pour parler de The Firm. La firme. Salut The Firm. Ouais, The Firm. Je sais pas, mais. Voilà, bah super. Donc vous avez le temps de le regarder. C'est tout. On se retrouve dans deux semaines pour parler de La Firme. On vous laisse avec un petit fond de musical inquiétant, angoissant, musique synthé des années 90. Trop bien les synthés. On n'en a pas suffisamment parlé, mais très très bien les synthés dans ce film. Allez, on vous fait des bisous. Ciao. Bisous. suivre Est-ce que les... tu préfères les... Demi Moore ou Roger Moore? C'est qui Roger Moore? C'est James Bond. Ah non. James Bond. Roger Moore. Je peux faire ça si tu veux. Non, non.